La flèche contenue dans ce panneau de danger symbolise une intersection. Cela veut dire, puisqu'on est en race campagne, qu'à 150 mètres environ, je vais croiser une route sur laquelle je bénéficierai de la priorité de passage. Mais c'est valable pour la prochaine intersection uniquement. Je ne suis pas sur une route à caractère prioritaire. Réponse B.